philosophique. Il vient à l'homme comme étant le résultat de la souffrance vécue au cours, au fur et à mesure que la lumière de la conscience pénètre, détruit les formes et rend l'ego de plus en plus libre de la forme. Éventuellement, tu as le discernement. Puis éventuellement, si tu te confrontes à des opinions extérieures, ton discernement permet de pas perdre la boule, pas partir en ballon, vouloir sauver le monde, puis corriger le monde. Ça devient ta sécurité. C'est là que tu intériorises ton énergie, tu l'intériorises. Et Magnan, là, qui est poigné, là, le policier, là, il est tout offusqué parce que ça va mal dans la société, pis le crime, pis le ci, pis le ça. Un jour, il va falloir qu'il réalise que la justice humaine, c'est une illusion, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Il peut pas avoir de justice humaine. Il peut pas avoir de raccordement entre l'homme et la société. Il y en aura jamais. Il y en aura quand l'homme sera conscientisé puis l'homme créera une société nouvelle. Puis à ce moment-là, ben, l'énergie d'angle, l'énergie de l'ego fera que l'homme pourra aller sur d'autres plans pour créer une société nouvelle dans des conditions qui sont totalement neuves. C'est pas partie de la sixième race. Mais la culpabilité, c'est difficile de s'en débarrasser parce qu'on est humain. On aime un petit peu. Puis on est tous spirituels. Plus t'es spirituel, plus t'aimes un petit peu, plus t'as une chance d'être coupable. Mais, ce qui nous amène à détruire l'amour humain pour rentrer dans l'amour universel, c'est la souffrance. Ce qui nous amène à détruire la spiritualité humaine, c'est la souffrance. Fait que quand t'as plus de spiritualité, autrement dit les formes de la spiritualité, qui sont des illusions nécessaires pour l'évolution ou l'involution, puis quand tu souffres plus de l'amour humain, qui est lié à tes émotions humaines, qui est lié à toute l'éducation, puis la culture, le rapport psychologique entre eux et l'extérieur, à ce moment-là, la culpabilité, tu n'as plus. Parce que tu fonctionnes en relation avec ta propre énergie. Mais ça, c'est avec le temps que vous en arrivez à ça. Vous pouvez pas en arriver à ça parce que vous voulez ça. C'est un changement vibratoire. Puis la conscience supramentale, c'est la... Tu sais, j'ai demandé après-midi, je suis sorti de ma maison, puis chez nous, il fait beau. C'est beau. Bon. Autrement dit, dans la vie, j'ai tout ce qu'un homme voudrait avoir. Puis j'ai dit, comment ça se fait que je suis pas heureux? Il dit, parce que tu peux pas être heureux avant 84. Parce que c'est en 84 que le raccordement total va être fait entre l'âme pis l'ego. Autrement dit, qui change mon niveau de vibration? Fait qu'en attendant, quand même, il fallait toute la lune pis la terre, ça change rien. Tu peux pas être heureux. Pas parce que je suis pas heureux, mais parce que je peux pas être heureux. Être heureux, c'est psychologique. Quand t'es dans conscience, tu peux pas être heureux. Tu deviens heureux quand ils ont suffisamment ajusté les vibrations de l'âme puis de l'ego pour que tu voyes dans l'autre bord puis pour que tu fasses d'autres travaux. Mais si t'es limité à des travaux ici, tu peux pas être heureux. T'es pas malheureux parce que t'as pas de problème. J'ai pas de problème. Je peux pas être malheureux. Mais je peux pas être heureux non plus. Ma femme non plus, elle peut pas être heureuse. On est bien, tu sais. On est bien. Ah. C'est ça, je dis la culpabilité comme tout le reste qu'on parle. La culpabilité, ça vient avec le temps, puis vous pouvez pas être en dehors de la culpabilité tant que c'est pas le temps. Vous êtes en dehors de la culpabilité quand vous avez souffert de la destruction de la forme de la culpabilité. Si tu souffres pas de la destruction de la forme de la culpabilité, tu ne pourras jamais te libérer de la culpabilité parce qu'elle va toujours revenir. C'est inévitable. Il faut que la vibration un jour soit totalement mise à terre, totalement tuée. La forme. Puis à ce moment-là, la culpabilité, ça n'existe plus pour toi. Ça veut dire qu'il y a rien d'avoir assez d'être coupable, il va mettre la hache de nerf, il va dire je suis coupable, j'ai pas raison d'être coupable. Quand tu vas avoir suffisamment souffert d'être coupable, c'est le coupable. Mais tant que tu souffres pas de la conscience, tu peux pas être conscient. Tu peux être spirituel, tu peux être bon, tu peux être fin, tout ça. Mais tant que tu souffres pas assez de la conscience, tu peux pas être dans cette conscience-là, parce que la conscience, c'est une énergie qui pénètre dans l'ego et qui prend la place dans l'ego de l'intellect. C'est plus l'intellect qui run, c'est la conscience qui run. Fait que s'ils disent, ou s'ils te font faire ça, ou si tu fais ça, puis après ça, il y a une petite vibration qui vient entre toi et ce que t'as fait, ils disent, c'est correct que tu fasses ça, là ton ego il se tasse, puis il se tasse. Puis éventuellement, ils ont même plus besoin de te dire, tout ce que tu fais, c'est correct. Ça vient avec le temps. Quand t'en es arrivé à vivre puis à sentir que tout ce que tu fais, c'est correct, tu commences à être pas mal bête. Lui, là, c'est un petit peu cette affaire-là. Hein? Tout ce que tu fais, c'est correct. Mais ça se dit pas en public, ça se dit pas. Tu peux pas dire ça philosophiquement, tout ce que tu fais, c'est correct, c'est évident. Tu peux pas penser à ça. C'est le même. Mais tu peux pas en arriver à faire,